Pour vos idées cadeaux de Noël à prix abordable, le magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, c'est l'endroit à visiter. Le propriétaire Ken Bennett et tout le personnel souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercient de votre encouragement durant toute l'année. Le magasin Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 276-2385. Et n'oubliez pas de consulter notre circulaire chaque semaine. Samedi 15 décembre, 20h. Ne manquez pas le grand retour de Marc Simard de Dolbeau-Mistassini, alors que le multiconcessionnaire reçoit la visite du MGR Express de Saguenay. N'oubliez pas vos denrées non périssables pour les plus démunis. Prix d'entrée seulement 8 $. Du hockey de haut calibre, avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! On va parler de motoneige. Évidemment, c'est la deuxième chronique de motoneige avec notre ami Louis Gariépy. Bon matin, Louis. Bonjour. Louis, tu veux nous parler de... On va commencer par parler des sentiers, parce que là, il fait froid cette semaine, puis il semble-t-il que c'est déjà commencé. Bon, effectivement, là, on voit que les clubs se sont mis au travail, et effectivement, là, il y a plusieurs régions là qui commencent à bouger, dans le sens que, bon, auparavant, il y avait quelques segments. Mais là, on voit là que les sentiers sont interreliés de plus en plus. Alors, ça veut dire à cause justement du froid, ça va aider, puisque il y avait la couche de neige qu'on a eue a permis d'avoir une espèce d'isolant. Donc, il y avait beaucoup d'eau en dessous. Et on sait que parfois il y a des marécages, tout ça. Alors, c'est pour ça que c'était très difficile pour les bénévoles de club là d'ouvrir un peu partout. Maintenant, là, avec la température aidant, bien sûr, là, on peut interrelier les sentiers. Il y a des régions là qui sont pratiquement ouvertes là à 80%. Il y en a d'autres, par contre, qui ne sont pas encore praticables, dans le sens que plusieurs régions ont eu de la neige très lourde, très mouillée, et ça fait en sorte que les arbres se sont ramassés dans le sentier. Okay. Alors, je sais que, bon, il y a certains clubs là, qui ont mis 3 jours pour faire même pas 6 km. Alors, puis le manque de bénévoles aussi fait en sorte que, bon, les travaux, c'est un peu plus lent là, à démarrer à cause des arbres qui sont dans les sentiers. Alors, vous savez, tant qu'on a de la neige tôt, même avant l'hiver, là, comme on a eu cette année, c'est le problème, c'est que la neige est tellement lourde que les arbres ne résistent pas. Et là, il y a pour ouvrir les sentiers, ça devient très beaucoup d'heures de travail de bénévoles afin de dégager le tout. Okay. Ça fait que c'est dans ce sens-là cette année qu'on vit ça. Puis il y a eu certains coins ont eu du verglas aussi. Ils sont là pratiquement chaque année. Ça aussi, ça aide pas, là, puisque les arbres sont chargés de glace. OK. Donc, mais c'est quand même assez beau, c'est quand même praticable. Mais dans certaines régions, est-ce que c'est vraiment, il a tombé pas mal de neige? Ben, écoutez, c'est sûr qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je regardais encore, des moins 27 le matin, là, puis la nuit, encore un peu plus froid. Alors, c'est sûr que ça, puis il y a de la neige aussi, je regarde pour les 14 prochains jours, et ils annoncent quand même des précipitations au Saguenay-Lac-Saint-Jean assez régulièrement. Ouais. Il y a le Bas-Saint-Laurent aussi qui a beaucoup de clubs en opération, beaucoup de sentiers d'ouverts. Alors, le problème qu'on a actuellement, c'est plus la Mauricie là, qui, à cause de la neige, qui à cause des arbres là, qui sont tombés. Ça, c'est pas très praticable. Dans la Naudière aussi, là, on voit que ça bouge de plus en plus. Alors, les Laurentides aussi ont eu des problèmes d'arbres dans les sentiers, donc c'est pour ça que c'est pas il n'y a pas beaucoup de sentiers d'ouvert actuellement, mais c'est sûr que plus on avance, comme là, en fin de semaine, samedi, dimanche, bon, c'est plus facile d'avoir des bénévoles aussi le samedi puis le dimanche, puisque les gens ne travaillent pas. Alors, ça va commencer à bouger énormément. Là. Okay. Moi, j'ai à peine 300 km de fait dans la région de Saint-Raymond-de-Portneuf. Alors, ça, c'est un coin c'est très beau là, actuellement là, pour aller vers le lac Saint-Jean. OK. Donc, Marc, pas Marc, mais Louis, est-ce que le Saguenay-Lac-Saint-Jean est intéressant quand même, comme actuellement, on voulait parler justement des pistes. Est-ce que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un des plus beaux coins au Québec? Ben, écoutez, c'est sûr, c'est un très beau coin. Le plus beau, là, je veux pas trop m'avancer là-dessus parce qu'il y a quand même 13 régions au Québec et chacune des régions a ses particularités, ça dépend de ce que l'on recherche. Comme par exemple en Abitibi, ben écoutez, si vous recherchez quand même des sentiers assez rapides, parce que c'est bon, c'est des lignes droites, il n'y a pas beaucoup de routes à traverser, vous pouvez parcourir 90 km sans traverser aucune route. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, la majorité des grosses villes sont tous reliées avec un très beau réseau de sentiers. Et c'est sûr que l'enneigement, quand on parle au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous avez habituellement 22 semaines. Okay. Alors, c'est bien évident que si vous allez, par exemple, moi, dans mon coin à Mirabel, ben vous avez pas 22 semaines de motoneige. Vous en avez 8, 10 ou 12. Alors, c'est sûr que là, on parle du double du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. En Gaspésie, c'est un peu la même chose. Alors, mais c'est sûr que Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une très belle région. Okay. Et je veux pas m'avancer pour dire la plus belle. OK. Monsieur Garépi, quelle sorte de motoneige? Vous avez 46 ans. Quelle sorte de motoneige vous avez, vous? Bon, moi, j'ai un Renegade Enduro. OK. 900 Ace. OK. Alors, c'est ça. Parce que ça fait déjà, comme tu le mentionnes, Danny, ça fait déjà 46. J'ai commencé la 46e saison la semaine dernière. Alors, c'est dans ce sens-là que j'aime bien avoir une machine assez confortable avec suspension à l'air, etc., etc. Alors, OK. C'est okay. Ça. Et, bon, comme vous... Il y a 13 régions au Québec, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 13 clubs, dont au-dessus de 3800 kilomètres de sentier. Et, bien sûr, au Québec, on en a 33 000 kilomètres. C'est la plus belle place au monde pour pratiquer la motoneige, puisque les Russes viennent nous visiter pour nous copier en Russie. Alors, okay. Ça, c'est... Puis les Américains, tant qu'on dit souvent que les Américains... Mais les Américains n'ont pas le réseau de sentiers qu'on a ici au Québec. Ça, c'est évident. OK. On se reparle, Louis, la semaine prochaine? Ah, bien sûr, ça va me faire un grand plaisir. Puis là, peut-être que j'aurai justement fait quelques kilomètres de plus, là. Parce que dès lundi, je vais commencer sur le téléphone pour m'assurer. Là, ah, OK, OK. Puis j'invite les gens aussi à aller voir sur le site de la Fédération dans État des sentiers. Et là, à ce moment-là, vous avez les feux verts, les feux jaunes, les feux rouges. Ah, OK. Et vous avez aussi les étoiles. Une étoile, deux étoiles, trois étoiles, ça, c'est bon. Des bonnes conditions. Puis quatre étoiles, cinq étoiles, ça, c'est excellent. Alors, j'invite les motoneigistes à aller voir... sur le site Internet de la Fédération. OK, donc, on va parler, on s'en reparle la semaine prochaine. Donc, Louis Garépi, le gars de motoneige.